L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM.

Ah, le son qu'il faut monter à fond dans la bagnole, ou alors au bord de la cheminée chez vous peut-être, avec du vrai son là. Ah, ça donne envie de sortir, hein. Ouais, bientôt, promis. After Job avec Francky l'après-midi. Et puis les souvenirs. Ouais, ce soir on est 50. Et on tombe. Tout en bain, ta bain.

Job avec Francky l'après-midi. Arc-en-Ciel, il est 16h35, le meilleur des souvenirs. Ah, les souvenirs funky, disco, music. C'est vrai qu'on est pas prêt de danser en boîte encore, mais on est là pour aussi vous rappeler les bons moments que vous avez passés pour certains dans les clubs. Il est là notre invité, il vient d'arriver, on l'accueille tout de suite, c'est Gérard Gauthier. Je l'accueille, on envoie les jingles, c'est parti sur Radio Arc-en-Ciel en direct. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et je l'accueille dans les studios à 16h35, Gérard Gauthier, bonjour, président de la Chambre des métiers de l'artisanat, conseiller municipal multicasquette. Bonjour Gérard. Bonjour Franck. Ça va, la forme? Merci de m'accueillir. Bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est pas toujours facile. C'est pas facile, hein. Ouais, beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Et ouais, surtout en ce moment, hein, avec tout ce qui se passe. En mode Covid, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Comment vas-tu déjà, toi, personnellement? Ça va? Écoute, personnellement, ça va. Je suis passé à côté de la Covid pour le moment, et j'espère passer à côté. Ouais, on espère aussi. En souhaitant que le vaccin arrive à... Très vite. Bien évidemment qu'il arrive très vite, et puis qu'il arrive à endiguer la Covid, et puis qu'on vive un peu plus correctement, alors socialement, sociétalement, et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans l'entreprise que tu connais bien, que je connais bien aussi. Qui est pas facile pour beaucoup de personnes en ce moment, et j'ai l'impression que on va en parler, c'est de plus en plus. Et... Alors, président de la Chambre des métiers de l'artisanat, depuis combien de temps, Gérard? 4 ans, parce que j'ai été élu en 2016 président de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret, et ensuite le 14 novembre j'ai été élu premier vice-président de la région centre, toujours Chambre de métiers et de l'artisanat. Et depuis le 1er janvier 2021, non c'est pas tout à fait l'année de naissance, 2021 bien évidemment, nous sommes en établissement unique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Chambre de métiers départementale, nous avons plus qu'un établissement unique qui s'appelle la Chambre de métiers et de l'artisanat centre Val de Loire, où il y a un président toujours, qui s'appelle Monsieur Bovier, et moi en tant que premier vice-président. Donc rien ne change, le bureau ne change pas, et au contraire, nous allons être beaucoup plus proches, contrairement à ce que certains peuvent penser, des artisans. Des artisans. Parce que des décharges administratives vont remonter au niveau de la région, et nous pourrons libérer, je dirais, nos énergies pour aller beaucoup plus au plus près du terrain et de la proximité de nos artisans. C'est vrai, il faut être honnête, hein, l'administration, des fois, c'est pas facile. Non, c'est très compliqué. Beaucoup de démarches, et encore, notre administration, elle est simplifiée un petit peu par rapport à d'autres, mais nous travaillons bien évidemment en relation étroite avec les administrations. Alors, on va pas les critiquer tout le temps, mais c'est toujours un peu plus long, et c'est toujours trop long pour n'importe qui, même pour le citoyen, je dirais, lambda. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué quand on attend des aides, etc. C'est vrai que c'est long, mais bon, à un moment ou à l'autre, ça doit arriver, ou ça arrive. Surtout lorsqu'on attend des aides en ce moment. Quand on a rien. Et quand on a rien. Pas facile. Quand tu attends des aides, puisque je connais. En fait, moi, ce qui me dérange juste, c'est le fait d'attendre, c'est ça, c'est pas, les aides, c'est, heureusement qu'on a des aides, mais le fait de pas travailler, c'est surtout ça qui nous gêne un petit peu, nous, que ça soit moi. Je comprends parfaitement, et je suis en pleine empathie avec vous, que ce soit le monde des discothèques, des bars, les restaurants, les salles de sport, le monde de la culture. On compatit. L'événementiel. Néanmoins, l'événementiel, j'en oublie certainement. Oui, il y en a plein. Après, il y a les effets dominos qui jouent énormément, mais les trois chambres consulaires, qu'elles soient de métiers, de commerce et d'agriculture, nous travaillons en étroite collaboration, et nous soutenons l'ensemble des intervenants, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient agriculteurs, etc. Et tout ce que tu peux imaginer, tout le monde peut imaginer, ça nous fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, comment se porte l'artisanat aujourd'hui, Gérard? Alors, je ne vais pas faire de pessimisme parce que j'aime pas ça. Ça ne va pas être facile, cette question n'est pas facile à l'heure actuelle. Non, la question est pas évidente du tout. On est au deuxième, entre guillemets, deuxième confinement, puisqu'on a eu un premier confinement qui a duré du 14 mars ou du 17 mars. Non, 14 mars, on a commencé le 14 mars. 14 mars à 20h, je m'en souviens, j'étais dans ma voiture en train d'écouter la radio. Bah moi, j'allais ouvrir la discothèque, on m'a dit non, tu peux pas ouvrir. 14 mars, et on a ouvert après le 11 mai, donc c'était très compliqué, parce que là, c'était le confinement, c'était la fermeture généralisée. Tout le monde était chez soi. Donc, c'est très compliqué. Et là, on a eu une perte énorme. Mmh. Ensuite, nous avons eu un deuxième, entre guillemets, entre-temps, avec couvre-feu, couvre-feu, enfin 20h ou 21h. Il y a autant de monde dehors que dedans. Voilà, nous sommes tombés à 20h. À 20h, et nous voilà maintenant à 18h, depuis quasiment samedi dernier. Et on a attaqué ce deuxième couvre-feu à partir du 29 octobre dernier. C'est ça. Alors, c'est compliqué. Et là, 18h, c'est encore beaucoup plus compliqué. Bah, moi, pour tout le monde. Alors, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais néanmoins, on peut faire une analyse rapide en se disant que, bien évidemment, la fermeture à 18h va occulter certains marchés. Alors, moi, je pense à ceux qui font l'emporter, etc., des commerçants, les restaurateurs, les bars. Mais bien évidemment, ça va être... Alors, déjà, ils subissaient la fermeture, le couvre-feu de 20h, c'était compliqué. Alors, à 18h, alors là, la question que l'on peut se poser, moi, je te dis, on en aura le résultat d'ici quelques semaines, c'est de savoir quels seront les effets bénéfiques pour lutter contre la Covid et quels seront les effets, je dirais, maléfiques qui vont arriver sur les commerces en règle générale, sur les entreprises en règle générale. Ça va être, à mon avis, très compliqué. Nous sommes aujourd'hui dans un système qui court. Moi, je le disais encore ce matin, l'État, heureusement qu'on avait l'État, parce que si l'État n'avait pas été là à un moment donné, je dis bien depuis le premier confinement, on serait un peu bloqué. On a quand même été le premier pays en Europe à donner les aides. Il y aurait eu des dépôts de bilan, là. Hein. C'est-à-dire, je dirais, les prêts garantis par l'État, faut pas oublier que le PGE, le fameux PGE, en France, c'est 135 milliards d'euros. En région Centre-Val-de-Loire, c'est 2 milliards 800 millions. Et dans le Loiret, c'est 900 millions d'euros. Et à savoir, ceux qui ont bénéficié du PGE, on peut le reporter. On devait le payer à date... Là, j'ai les nouvelles, je vais pouvoir te le dire. Voilà, donc, en direct. Normalement, au départ, on avait ce qu'on appelait une année de franchise, c'est-à-dire la première année... On payait un an après. On devrait repayer au mois de mars 2021, c'est-à-dire le mars prochain. Bah, bientôt. Et là, ça va être bien évidemment reporté. Ceux qui veulent le rembourser le pourront toujours. Ceux qui ne l'ont pas utilisé ou ceux qui l'ont utilisé et qui veulent le rembourser par des trésoreries qu'ils ont pu se refaire, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, on va pouvoir aller certainement, je pense que ça va être officialisé, c'est quasi officiel, jusqu'au 1er mars ou 1er janvier 2022. D'accord. Mais néanmoins, il faudra le rembourser sur 4 ans. Ce qui veut dire, un petit piège, c'est que les mensualités, si vous avez 100 000 euros à rembourser, c'était peut-être 900 euros, si c'est 100 000 euros, ça sera 1 000 euros ou 1100 euros. Ouais. C'est-à-dire qu'on va augmenter les mensualités puisqu'on raccourcit le temps. Bien sûr, logique. Et on raccourcit le temps. Mais néanmoins, ça va permettre à certaines entreprises, bien évidemment, de, entre guillemets, sortir la tête de l'eau, se refaire une trésorerie pour arriver à retravailler. Mais il faut repartir. Faut bien savoir une chose, c'est que les entreprises aujourd'hui, quelles qu'elles soient, sont en... sont sous perfusion. C'est ce que j'allais dire. Sous perfusion parce qu'on a les subventions, nous avons les aides, nous avons l'activité partielle. Le seul pays quand même en Europe à avoir donné 100% le chômage partiel c'est pas du chômage partiel parce que Pôle emploi n'a rien à voir dedans. C'est l'activité partielle avec 100% des salaires pour les entreprises et 70% du salaire brut, ce qui donne 84% du salaire net. C'est ça. Mais 84% du salaire net, c'est pas 100%. Hein. Non, 100% pour les discothèques, si je me trompe pas. 100% pour les discothèques. Ça, parce que nous, on n'a jamais ouvert. Voilà. Et faut pas oublier aussi le fonds de solidarité qui était de 1500 euros dans le premier confinement. On est arrivé à 10 000 euros. C'est ça. Et on arrive aujourd'hui à 20% du chiffre d'affaires de l'année N-1. Et on pourra monter... Alors, il y avait un plafond à 100 000 euros. Ce nouveau plafond monte à 200 000 euros, donc 20% de 200 000. Et puis, on arrive à quelques entreprises qui ont plusieurs secteurs d'activité ou qui ont plusieurs antennes, je dirais dans des entreprises un peu plus importantes en chiffre d'affaires, on va pouvoir monter en plafond jusqu'à 3 millions d'euros. Donc, ce qui va quand même aider pas mal de l'entreprise. Le seul souci qu'on peut se poser et qu'on peut se demander, c'est de se dire... est-ce qu'on n'est pas en train de créer la faillite de demain, quoi? C'est parce ça. Que la demain dette, matin, la dette, cette fameuse dette qui paye aujourd'hui, c'est Bruxelles. Qui paye, c'est tout le monde. Personne ne paye aujourd'hui parce que c'est compliqué. Et puis, ça sera compliqué. Comment pouvoir rembourser une dette de 2700 milliards d'euros aujourd'hui? Nous sommes dans des déficits publics qui doivent border les 300 milliards. Moi, je voulais juste donner un point positif, entre guillemets. Il y en a un peu aussi des points positifs. C'est parce que bon, l'État a été beaucoup critiqué, les aides, etc. Je voulais juste dire que sur le site des impôts, pour ceux qui font les déclarations, c'est très simplifié. Oui. Et c'est beaucoup plus simple qu'avant, je trouve. Avec impôt.gouv. Impôt.gouv, voilà, c'est ça. On fait ses déclarations, c'est assez simple. En 3-4 minutes, ça a été compliqué un petit peu au départ, mais c'est normal, il faut le temps que ça se mette en route. C'est normal pour ceux qui n'ont rien à toucher. Quand on attend de l'argent ou de la trésorerie, c'est important, mais ça a été un peu le cafouillage au départ. Mais maintenant, ça fonctionne relativement bien. Alors, tout le souhait, c'est que ça ça s'éteigne le plus rapidement possible. On va avoir un effet domino, parce que dans les entreprises, il faut bien savoir que là, on parle de l'artisanat, on parle des commerces, et que je plains à 100%, on les accompagne, moi je les accompagne depuis bien le 1er mars tous les jours, hein, on est en étroite collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'agriculture, bon, on touche un peu moins, si ce n'est pour nous producteurs, maraîchers, etc., qui vont directement chercher chez les producteurs en direct. Oui. Mais la crainte, bon, un chef d'entreprise, c'est résilient. Hein. Bien sûr. Pour le faire mourir, il faut déjà y aller. Bon, évidemment, l'économie va passer par là. Il n'y a pas à se voiler la face. Il y en a qui disparaîtront. Il y a des salariés qui, malheureusement, se retrouveront en demandeurs d'emploi. Mais oui, ils vont changer de branche. Ou vont changer de branche. Malheureusement. Enfin, pour moi, l'activité, lorsque la Covid va partir et que l'effet sanitaire va se faire nettement moins sentir, lorsqu'on va rouvrir un petit peu les portes, de la liberté, il va y avoir un redémarrage relativement rapide. Est-ce que ça va être compliqué pour toi, justement, ce démarrage? Est-ce que les gens ne vont pas avoir peur, ou alors ça va être une liberté totale? La liberté totale, c'est une erreur qui a été faite au mois d'août dernier, juillet. Ah oui, c'est la folie. Moi, je suis parti une semaine, pour me changer l'air. Priver les Français de vacances, c'était une catastrophe. On avait tout le monde dans la rue. C'était compliqué. C'était mai 68. Je pense que... Moi, je suis un peu un démocrate. Hein. Je fais confiance. Je voudrais pas être à la place du président de la République. Je voudrais pas être à la place du Premier ministre. C'est des ministres qui l'entourent, la santé, l'économie, etc., et le travail. Simplement, il est entouré d'un comité scientifique. Il fait son travail, ou il le fait moins bien qu'on peut le penser. Mais on n'est pas scientifique. On n'est pas à leur place. Mmh. Donc, il faut quand même regarder, c'est que la protection de la population est hyper importante. Aussi, ouais. L'économie va faire beaucoup de morts aussi. Si on est à un nombre de morts important aujourd'hui, je crois qu'on a dû dépasser les 70 000. Ouais. C'est important, mais il y aura énormément de morts aussi à l'économie. On va rester optimiste parce que, ce que je disais tout à l'heure, le chef d'entreprise est résilient, les salariés qui l'accompagnent également. La seule chose qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on s'est un petit peu, entre guillemets, le foutoir au niveau de la vaccination. Ah ouais, là, le vaccin, c'est un J'étais peu le... J'étais ce matin avec la préfecture en réunion avec les maires de la métropole. C'est quelque chose. Hein. De la métropole et puis du département. Quand vous attendez 1000 doses, vous en avez 500. Quand vous en avez 500. Si on veut vacciner correctement au rythme où arrivent les doses de vaccin, on aura terminé pour les plus de 75 ans et les morbidités. Non. On aura terminé vers le fin mai ou début juin. Ah oui, on est à la bourre. Et entre-temps, il faudra que qui ont été vaccinés, dans quelques jours, il y en a certains qui vont repasser pour la deuxième vaccination. Ouais, parce que le vaccin se fait en deux fois. Alors justement, on parle de cette crise qui se traduit par une baisse des créations d'entreprises ou pas, Gérard? Alors, est-ce que les gens sont motivés encore aujourd'hui pour dire j'ai envie de faire mon entreprise? Alors après, ça dépend de l'activité aussi. Alors, pour motiver, moi je suis un peu fou parce que moi j'ai fait un restaurant. Alors voilà, c'est pas la bonne période. C'est pas la bonne période, mais les gens reviendront manger. Oui, voilà. Alors, on retrouve des créations d'entreprises, et je vais pas dire malheureusement parce que c'est régalien et moi ça passe par la chambre des métiers ou répertoire des métiers. Aujourd'hui. La plus grande création d'entreprise se situe au niveau de la micro-entreprise. Et ça, les auto-entrepreneurs, on l'appelle. Ça s'appelle plus auto-entrepreneur. Oui, ça a changé. Ça s'appelle micro-entrepreneur. Il faut bien savoir que moi, sur 14 000 entreprises que j'ai au répertoire des métiers dans le Loiret, 39%, 40% sont des micro-entreprises. Ah oui. Et dans les créations d'entreprises aujourd'hui, on a un nombre de créations d'entreprises. SAS et CRL qui est pas obligatoirement très, très fort aujourd'hui, mais beaucoup de micros. Micros, ouais. 65, pourquoi? 70%, 80%. Parce que risque. Il y a moins de risques. Le salarié recrée son entreprise. Prendre de l'avance en disant si je me fais sortir de l'entreprise, je vais créer ma petite micro-entreprise. Faut très peu de fonds pour créer son entreprise. Le seul inconvénient de la micro-entreprise aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de TVA, donc c'est un petit peu contradictoire et opposé à une entreprise classique. Facture en net. La deuxième chose, il n'y a aucune création d'emploi. Oui. Les charges sont un peu moins élevées, mais néanmoins, il faut quand même travailler. Et un chiffre très rapide. Très rapide. Il y a à peu près 1 200 000 créateurs micro-entreprises en France. La moitié fait 0 euro de chiffre d'affaires. Et la moyenne, c'est à peu près 7 000. Il y a un chiffre à pas dépasser, je crois, Après, c'est des chiffres à pas dépasser. Ce sont des bases 85 000 euros pour le service et 170 000 euros pour le négoce. Mais on a doublé ce plafond. Donc, des entreprises classiques se sont, entre guillemets, dissoutes pour refaire de la micro-entreprise aujourd'hui. Mais la micro-entreprise sans emploi, c'est Et il faut dire une chose aussi, la micro-entreprise est plus facile à créer hein, sur Internet. Oh, à peu près pareil, non? C'est pas compliqué de créer une entreprise aujourd'hui classique. Non, entreprise hein. Micro-entreprise, ça va très vite. Hein, ouais. En une soirée, tu peux le faire. En quelques clics, ouais, avec une carte d'identité. En une demi-heure, ou une heure, on crée une micro-entreprise. Mm. Une autre entreprise, en deux, trois jours, on la crée également. Hein. D'accord. Ça va beaucoup plus vite qu'il y a une époque. Et ben voilà, en tout cas, ça va beaucoup plus vite grâce à toi aussi, Gérard. Parce que bon, t'es présent sur le terrain. Je vois pas mal de photos qui circulent un peu sur les réseaux sociaux. C'est ma mission. Un homme de terrain, heureusement. D'ailleurs, on va parler d'apprentissage justement. Combien de formations au CFA aujourd'hui? Alors 34 formations. Ouais. En France, c'est 250 métiers. Mmh. Donc c'est quand même très important. Nous avions eu peur, suite à la crise, qu'on ait une chute vertigineuse du nombre d'apprentis. Et finalement, on se retrouve au même chiffre que l'année dernière. Donc, combien d'apprentis? Alors moi, nous avons 1050 apprentis qui sont répartis dans la mécanique, dans la boucherie, dans la boulangerie, dans le traiteur esthétique, donc coiffure, soins du visage, etc. Mmh. Et donc, ça fonctionne pas mal. Je suis content parce que on s'attendait à une chute de 20% des apprentis. Alors, tout n'est pas gagné parce que, in fine, il faudra voir si les entreprises tiennent le coup. Donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a quelques entreprises. Alors, surtout au niveau restauration, service en salle, hôtellerie. C'est le plus compliqué en ce moment. C'est plus compliqué. Mmh. Les métiers de bouche s'en tirent. Les métiers de bouche, ça va. Et heureusement, ils ont fait un très bon Noël, ils ont fait un très bon 1er janvier. Et tant mieux. Entre guillemets, hein, je le dis entre guillemets, j'aime pas le dire, non, mais la bouffe, ça fonctionne. Il y aura toujours de la bouffe. Mais il faut toujours manger. Faut toujours manger. C'est comme le PQ. Je te le laisse dire. Alors là, je me permets, je suis animateur. Oui, je sais, oui. Mais ça m'a toujours fait sourire, le PQ. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé avec le PQ. Les gens ont peur. Ouais, c'est ça. Le taux d'emploi, justement, à la sortie d'une formation. Alors, quand tu fais une formation, quasiment 65 à 70% des jeunes trouvent un emploi. Ouais. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire. C'est bien, c'est une bonne moyenne. Hein. Un apprenti, qu'est-ce que c'est qu'un apprenti? C'est un jeune qui vient découvrir le monde du travail, enfin qui vient pour un métier qui le passionne. Mmh. Il va rentrer dans le monde du travail, donc il va aller dans une entreprise, il va avoir un contrat de travail, ce qui l'obligera à être à 8h ou 9h précisément à son travail. Mmh. Et puis quand il va faire son cursus soit en 2 ans pour un CAP, il va le faire en 3 ans pour un BEP. Après, on saute et on monte vers des BTS, hein, ou des BTM ou des BTS. Et on arrive à trouver de l'emploi derrière. Pourquoi? Parce que le jeune, il a l'enseignement du métier, l'enseignement général, qui fait partie de son cursus. Il a l'enseignement technique au CFA et il a l'enseignement technique et, je dirais, manuel et le vrai travail qu'il a en entreprise. Et un jeune qui réussit son apprentissage, il trouve du boulot. Et si le jeune est bon et que le chef d'entreprise ne veut pas le garder, le réseau fonctionne, le bouche à oreille fonctionne, et il trouve une autre entreprise derrière. C'est inévitable. Ouais, on est avec les jeunes. C'est une lutte contre le chômage. Une lutte contre le chômage. On est avec les jeunes et on continue justement, toi qui les fréquentes, qui est beaucoup sur le terrain. Est-ce que tu trouves encore de la motivation? Je pense que oui, chez les jeunes, aujourd'hui, malgré la crise, hein, je parle par rapport à la crise, est-ce que les jeunes, quand ils viennent, ils ont envie, ils se disent, quelqu'un qui est dans l'hôtellerie, dans la restauration, est-ce que dans sa tête, il se dit, mais moi, je vais faire quoi après? Je suis en train de faire une formation, j'ai peur. Alors, on ne les laisse pas tomber parce qu'on les garde toujours en CFA, parce que tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est restauration, on les garde quand même chez nous. Mmh. Parce qu'on continue à les former avec tout ce qui est enseignement général et tout ce qui est enseignement technique. Mais le jeune, aujourd'hui, il y a des jeunes, mais comme tout, hein, comme dans les personnes lambda, on prend pas les extrêmes, il y a des jeunes qui veulent pas bosser, il y a des jeunes qui veulent bosser, puis il y a toute une masse qui travaille. Bien sûr. Faire tomber la bouteille d'eau. Non, c'est pas grave. Et puis, casser le studio. Non, je vais pas le casser. Et puis, non, il y a une vraie, véritable motivation. Nous, on le voit, dans quasiment tous les métiers. Et le taux de réussite d'examen est à 85%, c'est parce que notre CFA est bon, parce que nos professeurs sont bons, parce que le cursus est bon. Tu vends bien. Non, mais je le dis, je le vends parce qu'on l'a vendu. T'as raison. Et on le vend toujours. Mmh. Et l'apprentissage, il faut en faire une filière d'excellence, c'est pas une filière de rebut. Bien sûr. Est-ce que justement, tu parles d'examen, est-ce que un CAP aujourd'hui, ça suffit? Ou alors est-ce qu'il faut faire plus d'études par rapport à certaines branches peut-être? Je vais te dire. Je sais pas. Te répondre comme j'ai répondu à France Bleu l'autre jour. Moi, j'ai pas fait d'études. Non. Et aujourd'hui, j'ai un peu. Mais moi non plus, j'en ai pas fait d'études. Tu vois, puis on arrive quand même quand on est apprenti. Est-ce que c'est pas dans la tête? Président d'une chambre consulaire. Et la motivation aussi peut-être du jeune. Mais il y a la motivation. Un CAP, tu as des entreprises qui ont besoin de CAP. Tu as des entreprises qui ont besoin de BEP. C'est des entreprises qui ont besoin de BTS. Et puis après, faut bien savoir que l'apprentissage, c'est du CAP jusqu'au master. Il y a des ingénieurs qui passent leur diplôme par apprentissage. Et si ça passe, et cet apprentissage, Ça sert à quoi? Eh ben, ça sert à aider dans le cursus, ça aide à aider dans le métier dans lequel on va fournir tout ce que vous avez vous dans la tête, tout ce que vous avez pouvoir apprendre. Et avec le chef d'entreprise, il y a un lien qui se crée. Mais il faut de tout. On peut pas avoir que des ingénieurs, que des BTS et que des CAP. Il y a des typologies d'entreprise, il y a des typologies de personnel, il y a des typologies de diplômes, et tout cela conjugué, on arrive à faire un métier et des métiers d'excellence et des jeunes et des salariés qui vont vers l'excellence. Est-ce que ces jeunes, ils arrivent justement à trouver cet emploi chez son patron? Oui. C'est ce qu'ils voudraient en priorité? Je te dis sinon, oui. Il y a des plans B peut-être? Je après. Te dis oui. Ce qui est plus compliqué, ce sont les stages. Ah, les stages. Les stages, c'est compliqué. Parce qu'un chef d'entreprise, j'en suis un chef d'entreprise, donc je peux me permettre, dit toujours, il manque des jeunes, etc. Et quand tu leur proposes un jeune, il te dit, on n'a pas le temps. Ou alors, ils ne répondent pas. J'avais une personne au téléphone tout à l'heure qui m'a dit, j'ai ma fille. Il lui donne des mauvais stages. J'ai ma fille qui avait un stage à faire, elle a fait 10, 15, 20, 30 CV, on ne lui répond pas. Ouais. Je lui ai répondu, on t'invite à dîner, tu dis oui ou tu dis non. Donc la moindre des choses et la moindre des politesses, c'est de répondre. En revanche, tout ce qui est... tu me parlais des stages, ouais. des formations... Et de l'emploi après avec le patron. Ouais. De l'emploi avec le patron. Mais ça match. Mais ça match. Il n'y a aucun problème. Le même patron ou là, malheureusement... Le même où on peut aller chez un autre patron. De toute façon, on ne fera plus qu'un seul patron. Un seul patron, ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. C'est vrai. On faisait sa vie à 20, 30, 40 ans dans une carrière chez un même patron. Aujourd'hui, vous avez 20 ans jusqu'à 60 ans, vous en faites 3, 2, 3, 4, 5 et des fois plus. Mais c'est fini ça, c'est terminé tout ça. Gérard Gauthier, aujourd'hui, l'avenir, tu le vois comment, entre guillemets, si on peut parler d'avenir pour tous les gens qui nous écoutent, les artisans? Moi, je suis positif. Parce que tout le monde est positif. Mais je suis positif quand même. Mais moi aussi, je les comprends. Mmh. Je suis moi-même chef d'entreprise. Bien sûr. Ouais. Et puis en plus, je travaille avec eux tous les jours. Que ce soit les commerçants, les artisans, parce qu'on suit tout le monde, on travaille en étroite collaboration, ce que je te disais, avec l'État, avec le conseil régional, avec le département, avec mes collègues de chambre consulaire, j'en oublie un petit peu, et c'est ma France, parce que on a un président de chambre des métiers de France, je fais partie d'une commission de développement économique là-bas, on en parle souvent, tout le temps, restons optimistes. Oui, il y a des difficultés. Heureusement que nous avons des aides. Mais on en parlait juste avant l'émission, ne rien faire, attendre qu'on te dise ouvre ta boutique, ouvre ton commerce, ouvre l'artisanat, c'est compliqué. Ouais, mais ils attendent c'est ça. C'est compliqué en fait. De ne rien faire. Ouais. Tout le monde attend ça. La première chose qui prime et on peut faire ce que l'on veut, c'est le sanitaire. Le sanitaire primera parce qu'il y a la protection des populations, le président de la République, le Premier ministre et ses ministres qui l'entourent les plus proches, c'est ça qui va les guider. Et je me mets à la place des professionnels de la culture, des professionnels de la restauration, des professionnels de l'UMI, puisque l'Union des métiers de l'industrie et ils nous aident beaucoup. C'est vrai qui vous aident beaucoup. On est derrière parce qu'ils sont branches avec nous et nous on a des pouvoirs pour pouvoir signer. Regarde, nous venons de signer pour les salariés du bâtiment la restauration. Et ça c'est bien parce que c'est vrai que les ouvriers qui mangeaient etc. On a trouvé ça inhumain. Et c'est pour ça qu'avec Alain Jumeau, mon collègue de la Chambre de commerce et d'industrie, on s'est battu avec le BTP, donc la Fédération française du bâtiment et l'UMI, et avec Thierry Durem qui préside cette organisation professionnelle. Ben, je trouve ça très bien. Alors après, tous les autres métiers peuvent le faire, bien évidemment, avec des engagements bien précis, des contrats bien précis, afin que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi et qu'on n'ouvre pas un restaurant pour recréer des clusters. Bien sûr. Et là, ça nous retomberait dessus. Et donc, la préfecture était OK. On a signé ces conventions-là la semaine dernière dans une pizzeria. Et dans cette pizzeria, il y avait la préf, chambre de métier, chambre de commerce, l'UMI, la FFB. Nous avons signé cet accord. Il y a une règle bien précise, 4 par table, du même établissement. Ouverture de midi à 14h ou 14h30. Tu me feras grâce de la demi-heure. Je te fais grâce, mais alors beaucoup de restaurateurs avaient respecté cette règle-là. Oui. Beaucoup ont fait des efforts sur les règles sanitaires, la distanciation, 3 par table, 4 par table, gel, j'en passe des demi-heures. Ils ont été fermés et après, quand on voit, beaucoup se plaignaient, moi le premier, j'ai vu dans les grandes surfaces, la queue aux caisses, la queue partout, du monde à gogo. C'est un peu... Alors, je vais te dire quelque chose qui va... C'est deux poids, deux mesures. Je vais te dire quelque chose qui va pas te faire plaisir. Non, mais vas-y. Ne l'ai pas dit à la manifestation quand il y avait l'UMI, nous étions avec... Tu peux le dire. Non, mais je vais te dire clairement. Parce non, que mais c'est la question qui revient le plus souvent. C'est vrai que c'est lambda. Dans un restaurant, et je connais beaucoup de restaurateurs sur Orléans qui me parlent, et on se parle. Et à chaque fois, je les fâche un peu, puis certains réagissent quand même. Réfléchissent après. Il n'y a pas de cluster dans un restaurant. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est un endroit où on se fait le plus contaminer. D'accord. Parce que tu restes assis pendant une heure et demie, deux heures, dans des espaces clos, et d'autant plus l'hiver. Tu retires ton masque lorsque tu manges. Tu bois le verre du copain. Alors, je dis pas que les verres sont mal lavés, absolument pas. Le virus, il se transporte tout seul. Pourquoi dans les abattoirs? C'est un risque énorme parce que tu as une vaporisation de micro-particules de flotte, entre guillemets, ou d'eau, qui fait que tu inhales plus facilement. Souviens-toi, Tradival, oui, etc. Tout au début, tous les clusters qu'il y a pu y avoir. Mais en France, partout en France. Et donc aujourd'hui, oui, je plains les restaurateurs. D'accord. Parce que moi, j'aime bien aller au restaurant aussi. Moi aussi, j'ai envie d'avoir Et j'attends mes bonnes bavettes. Bien sûr, il faut être patient, c'est pas marrant. Ouais. Je compatis pour tous les domaines dont tu as parlé tout à l'heure, la restauration, la culture, j'en oublie. Il y en a plein. Sport, ouais, il y en a plein. Mais après, c'est tout un effet domino parce que le restaurateur qui n'ouvre pas, eh ben, il va pas chercher ses matières premières, c'est-à-dire qu'il va pas chercher pas sa viande, il va pas chercher son maraîcher, son boucher, son boulanger, son charcutier, c'est toute une chaîne, c'est tout un effet domino. Tu prends Rungis, ils ont perdu quasiment 40% de chiffre d'affaires. Ouais, tu t'imagines le chiffre d'affaires de Rungis à 40%. Énorme. Et ceux qui travaillent pour l'aéronautique, ont perdu entre 50 et 80% de leur chiffre d'affaires. Comment vont-ils y arriver? C'est ça le problème. Et je suis persuadé, moi je reste optimiste, parce que le patron, entre guillemets, avec un grand P, et ses salariés, ce sont des hommes qui sont créatifs. Mmh. Et en plus, la plus grande valeur d'une entreprise, dans une entreprise, c'est l'homme. L'homme, donc, qui va aller changer... Les méthodes de travail et les nouvelles méthodes de consommation. Tu pourras dire à tes collègues, moi je leur dis déjà, apprêtez-vous, commencez à changer un petit peu votre ADN, vos marques, le caryotype dans le style, comment on va changer un petit peu pour essayer d'innover. Vous êtes changé ce système de consommation. Il y a regarde la vente à emporter, ça se fait. Ça, c'est bien, oui. Mais il y a des gens qui vont continuer. C'est bien. Certainement. Ouais. Je prends pour les plus anciens, c'est une chose merveilleuse. Je dis pas qu'il faut pas qu'ils aillent au restaurant. Ouais. Mais ça leur permet de, d'avoir un repas chez soi, beaucoup plus, c'est moins convivial. Mais à 85 ans, on sort peut-être un petit peu moins. Mais les gens, ils aiment bien sortir, voir bien du monde, sûr, mais bien parler sûr, avec des gens. Je me mets à votre place. Plutôt que dans le canapé avec sa femme, tous les soirs, avec le repas commandé chez le resto du coin. Malheureusement, toi aussi. Je vais plus beaucoup en boîte de nuit, Non, mais les boîtes, je comprends, mais les boîtes, c'est pareil. Les gens ont envie de s'amuser, Je plains les jeunes. Surtout je parle aux jeunes, parce que nous, on a une clientèle un peu plus âgée, mais les jeunes. Je plains les jeunes. C'est justement ce qui se passe en ce moment, on voit les soirées privées. J'ai vu hier un reportage sur TF1 ou la 2, je sais plus, peu importe, d'une jeune qui était dans son 9 mètres carrés, qui avait les larmes aux yeux, qui pleurait, la sentait complètement déprimée, parce que sociétalement parlant, c'est très dur. La jeune qui était dans son appartement, qui habite à 200 ou 250 kilomètres, voir ses copines, mais à chaque fois, faut être masqué, c'est compliqué, elle déprime. Qu'est-ce qu'elle fait? Avoir des copines, avoir des amis, etc. C'est une obligation. C'est ça. Sinon, entre guillemets, tu pètes les plombs. Enfin, c'est pas français, mais enfin. Ouais, mais c'est pas grave. C'est trivial. On va pas péter les plombs, on va te laisser le mot de la fin, si tu veux bien, Gérard. Dans la bonne humeur. Je pouvais te laisser la dernière phrase de la fin pour donner à nos auditeurs la joie de vivre encore. Écoutez, la joie de vivre. Tenez le coup. Ouais. On est un pays formidable. On est dans dans des pays latins. On aime bien rigoler. On aime bien manger. On aime bien boire aussi. Mmh. En respectant, bien évidemment, toutes les normes. Et on aime bien s'amuser et danser puisqu'on est chez toi. Ouais. Je pense que sans aucun problème, on va retrouver ça, la gaieté. On va retrouver ça d'ici quelques temps, à la condition qu'on ait ce qu'il faut pour se faire vacciner et qu'il y ait quand même un maximum de personnes qui se fassent vacciner. Faut faire confiance quand même à la médecine et au monde scientifique, j'en suis persuadé, et on retrouvera la joie de vivre. Et ben voilà. En tout cas, sur ces belles paroles, Gérard Gauthier, qui te remercie de m'avoir invité, ça m'a fait très plaisir. Moi aussi, Gérard Gauthier. Depuis le temps qu'on devait le faire. C'est vrai, président de la Chambre des métiers de l'artisanat, merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Arc-en-Ciel. C'est moi. Ça fait plaisir. Merci Gérard. Au revoir. Mr. Worldwide. I'm a shock. Habibi, I love you, I need you, Habibi, my girl, my back of mine. Habibi, I love you, I need you, Habibi, la vie vient comme des balades. I'm sorry de toi et je revis.

Garancelle, Disco Motion, ça fait du bien de se rappeler quelques bons souvenirs. Tiens, j'ai un bon message de Jérôme là, Con, ça me fait plaisir. Merci Jérôme pour ce beau message du CFA. Ouais, ça m'a touché. Puis Gérard Gauthier qui était notre interview aujourd'hui. Retrouvez le lien dans quelques minutes sur ma page, Franck Lemaire, Radio Arc-en-Ciel Orléans. Je vais vous laisser le garde à paix international, bah ouais, hein, mode Covid dans trois quarts d'heure le temps que je rentre chez moi. Ouais, c'est comme ça, on est un peu puni, mais bon, si c'est pour faire avancer les choses, on fait avec. Hein. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, soyez prudents et je vous donne rendez-vous avec le Portugal tout de suite, c'est RDP International en Portugal.